Allô, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission du Podcast Auto. Au micro, Luc Desormeaux et avec moi ce soir, on a Jean-François Beaulieu. Salut Jean-François. Salut. Et quelqu'un que les gens de Passion FM connaissent très bien, votre animateur chéri du matin, Jean-Benoît Gagné. Salut JB. Je m'attendais tellement pas à ce que tu dises ça. D'ailleurs, je veux m'excuser, Luc, pendant un petit bout de temps, la description de l'émission du podcast Toto qui est diffusé à Passion FM, c'était mentionné comme étant moi l'animateur. On a réglé le problème, là, je m'excuse. Non, c'est correct, c'était vraiment pour que les gens pense qu'il y avait quelqu'un de vraiment bon à l'animation. Exact. Je comprends ça, c'est correct. Puis en plus, t'es quelqu'un de la place. Ça prenait ça, quelqu'un de connu. Parce que là, ils vont voir animé par Luc Desormeaux. Hein, c'est qui ça? c'est ça. C'est qui ça? Écoute, les gens qui veulent être du rendez-vous du podcast Auto savent que c'est toi qui amène la matière importante du show. Nous autres, on est juste là pour boucher des trous. Fait que... Non. Mais vous êtes des très bons bouche-trous. Ah ouais, là-dedans, on est très bons. S'il y a de la qualité de bouche-trous, vous êtes la qualité bouche-trou, triple A, Angus de l'Ouest. Voilà. Ça tombe bien, vu que le podcast Auto est diffusé à Passion sous l'heure du souper, donc j'espère vous manger du bœuf de l'Ouest, triple A, grillé sur le barbecue, ces temps ici, c'est excellent. Donc, bonjour à tous ceux qui nous écoutent justement sur les ondes de Passion FM et tous ceux qui nous écoutent en podcast aussi plus tard. Donc, merci de nous sintoniser ou de nous écouter. Donc, on va commencer ce soir. On a quelques sujets. Je commence mes chroniques d'auto que, j'ai eu 3 autos de suite à tester et je suis présentement là, sur ma dernière. Donc, vous allez entendre parler de ça dans les prochaines semaines. Là, mais je suis comme sur un sprint d'essai d'auto assez malade ces temps-ci. Puis, c'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, je mets toujours une semaine ou deux en chaque. Puis là, c'est comme 3 autos de fil. Je vais chercher une auto, je l'essaie une semaine, je vais reporter l'auto, je prends mon auto personnel, je conduis jusqu'à un autre garage, je ramasse un auto. C'est vraiment spécial. Ma Mazda 3 m'a regardé et a dit « T'es qui, toi? » Elle a presque voulu laisser les portes barrées. Mais bon, elle va me reconnaître dans les prochaines semaines. Je vais la conduire un peu plus après ça. Donc, je vais vous parler de mon essai numéro 1, qui était le Jeep Compass 2014. Bon, le Jeep Compass 2014 qui devrait arriver chez les concessionnaires ou est arrivé chez les concessionnaires là, il n'y a pas tellement longtemps. C'était une voiture qui est planifiée pour sortir dans le premier trimestre de 2013. Donc, on est dedans. Donc, ça devrait arriver bientôt si c'est pas déjà chez les concessionnaires. Le Compass qui, si on le regarde vite, il n'y a pas... On verra pas nécessairement beaucoup de changements avec le Compass de l'année passée, mais il y a un très gros changement, c'est qu'ils se sont débarrassés de la transmission CVT, donc transmission continuellement variable, pour une transmission automatique à 6 vitesses, beaucoup plus agréable à conduire. Moi, les transmissions CVT, je suis pas un fan, même si dans la dernière Honda Accord, ça fonctionne très bien, là, mais les bonnes transmissions CVT sont rares, mais c'était un moyen d'allier consommation d'essence et avec des plus petits moteurs, donc ça a fait le travail, mais quand même, là, une transmission à 6 vitesses, j'aime mieux le feeling de transmission à 6 vitesses. Donc le Compass qui a vraiment... maintenant, un look d'un Grand Cherokee, quand on regarde le camion ou le VUS, on a vraiment l'impression de loin qu'on regarde un Grand Cherokee, ce qui est une très bonne chose parce que le Grand Cherokee qui est vraiment un magnifique VUS pleine grandeur, c'est pas un VUS compact, le Compass qui est vraiment la version compacte. Donc ça vient jouer dans la cour des CX-5, des Ford Escape, du Honda CR-V. Et ces modèles-là. Là. Donc, la catégorie de VUS qui est comme la plus vendue et la plus populaire sur le marché. Déjà, les Compass, je veux dire, il y avait toujours un look intéressant. Ça a toujours eu un look intéressant. Au début, ça ressemblait plus à un Jeep Wrangler, donc le vrai Jeep que les gens connaissent pour aller faire du hors-route et tout ça. Ça ressemblait vraiment plus à ça. On avait des phares ronds, une grille qui rappelait vraiment le Jeep Wrangler ou le Jeep YG du temps. Maintenant, on est allé plus vers un look plus moderne, donc c'est vraiment plus comme le Grand Cherokee. Il est moins féminin qu'il était. Je sais que dans la génération précédente, le Compass puis l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Le Patriot. Le Patriot, il y avait comme le Compass était comme plus féminin, puis le Patriot était comme plus masculin. Là, il n'y a plus cette distinction-là qu'on voit entre les deux modèles. Ben le Patriote reste avec les phares ronds, en tout cas pour ce que j'ai vu des derniers modèles. Ça reste encore semblable, les lumières rondes, la grille qui ressemble plus à une grille Jeep, tandis que le Compass, on l'a plus fait comme un bébé Grand Cherokee. Moi, personnellement, j'aime mieux le look du Compass que le look du Patriot, même si le Patriot a l'air plus camion, puis que le Compass a l'air plus beau VUS moderne. Donc, c'est ça. Mais le Compass, dans le temps, moi, j'ai conduit un Compass d'ancienne génération avec les phares ronds et tout ça déjà. Je pense que c'était un 2009 ou quelque chose comme ça. Puis c'était pas confortable. Ça craquait partout. Puis je dis pas que c'était pas nécessairement un bon VUS, mais ça craquait partout. L'intérieur, c'était des plastiques durs. Ça faisait pas haut de gamme. Ça faisait pas. C'est sûr que non, c'était aussi des VUS d'entrée de gamme. Fait que tu pouvais avoir un Compass pour vraiment moins cher que d'autres gros VUS sur le marché ou d'autres VUS compacts sur le marché. Mais ça reste que c'était décevant un peu comme look intérieur, puis c'était drame, c'était des plastiques durs, puis l'extérieur était correct, mais c'était rien d'extra. Là, on a vraiment, avec les années, on a amélioré le look extérieur, on a vraiment donné un look plus UP, plus haut de gamme au VUS à l'extérieur. Celui que j'avais a même des insertions de chrome dans la grille, puis des phares anti-brouillard, puis les phares étaient vraiment jolis, puis vraiment ça fait un beau tout, ça fait vraiment un très très beau VUS. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Mais la grosse amélioration, c'est l'intérieur. Les intérieurs, en tout cas l'intérieur du Compass, puis chez Chrysler, puis Jeep, tout ce qui est attaché à Chrysler, Jeep, puis Dodge, ont beaucoup amélioré leur intérieur dernièrement. Au dernier salon de l'auto, puis même au salon de l'auto l'année d'avant, j'étais allé voir le Charger. Le Charger qui est un auto que, personnellement, ma conjointe adore. Elle aimerait ça avoir un Charger. Elle trouve ça vraiment beau, un Charger. Puis, on avait loué un pour aller à Québec. Bon, l'extérieur était vraiment incroyable. L'intérieur, c'était correct, mais c'était encore des plastiques puis tout ça. Le nouveau Charger, quand j'étais là, sans l'auto, ils ont vraiment tout refait l'intérieur. Fait que Chrysler sont en train de régler les critiques que les gens avaient. Puis, c'était pas que c'était pas encore des bons véhicules. C'est juste qu'à l'intérieur, c'était des plastiques durs. On mettait pas beaucoup d'argent à l'intérieur pour faire la finition. Quand on regardait, c'était bien, mais quand on se mettait à toucher un peu et à tapoter, on s'aperçoit que c'était des plastiques durs puis pas nécessairement de super haute qualité. Tandis que là, on a vraiment viré ça de bord complètement. L'intérieur du Compass, c'est vraiment un très bel intérieur. Puis pour un VUS, c'est probablement un des beaux intérieurs que j'ai vu parce que c'est le seul que j'ai vu à date qui avait un intérieur avec la couleur. La plupart des VUS, c'est un intérieur gris avec du noir, des sièges noirs, le tableau de bord gris ou noir, avec peut-être une petite ligne de chrome dedans, tu sais, puis une petite ligne de chrome d'import, puis tout ça. Lui, c'était l'intérieur noir, les bancs, les sièges étaient bruns, un brun tan un peu, avec des insertions de cuir d'import. Fait que c'était vraiment joli, ça tapait dans l'œil, ça faisait vraiment joli. Et puis, partout où... Quand on est assis, on peut toucher avec nos mains. Ça veut dire pas nécessairement le tableau de bord. Il faut vraiment comme se forcer, s'avancer pour toucher au tableau de bord. Mais toutes les portes où ce qu'on peut s'accoter, tout ça, c'était tout du plastique mou avec une espèce de petit styrofoam en dessous. C'était doux au toucher. Puis c'était vraiment bien fini. J'ai vraiment aimé l'intérieur. Ils ont vraiment fait un travail incroyable avec ça. On a à peu près la même chose qu'on avait dans le Jeep Wrangler côté les cadrans d'information. Bon, on a la pression des pneus, on a notre consommation d'essence en temps réel et tout ça. Fait qu'on a toutes les informations qu'on a de besoin. Le volant, c'est exactement le même volant qu'on avait dans le Jeep Wrangler qui est un de mes volants favoris. C'est drôle à dire, hein, mais c'est un VUS qui a un de mes volants favoris que j'ai essayé à date. Puis c'est pas compliqué, ils ont juste mis les boutons à la bonne place. Il y a des autos où c'est vraiment ardu au premier regard de savoir exactement quoi fait quoi avec les boutons. Puis il y a tellement de boutons que faut vraiment que tu t'assoies dans un stationnement quelque part avant de partir, puis tu regardes tout ce que ça fait, puis c'est pas nécessairement intuitif. Le Jeep Wrangler, le Compass a vraiment les boutons minimal que tu as de besoin pour être fonctionnel, le téléphone, puis changer de mode, ces choses-là. puis les boutons pour le volume ou changer de station de radio ou changer de chanson sur votre CD sont en arrière du volant, sont vraiment, quand on prend le volant, nos doigts sont naturellement là. Fait qu'on n'a pas à faire un mouvement non naturel pour, mettons, prendre notre pouce puis le ramener vers l'avant pour aller appuyer sur le bouton pour monter ou descendre le volume. Nos doigts sont déjà là. Fait qu'on a juste à peser, puis ça monte, ça descend le volume. On peut changer de poste. On n'a pas besoin de changer notre attention de place. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. C'est vraiment un des volants que j'ai adoré à date que j'ai essayé. Bon, tu devrais en voir d'autres que j'aime autant que ça, mais je le trouve vraiment juste bien fait, d'une bonne grosseur. Il se tient bien. C'est vraiment intéressant. Fait que là, Luc, t'es qui dit Jeep, t'es allé faire du route, de la boîte, puis tu l'as sali ce char-là, là. Non. J'espère. Non? Non. Ben, un, j'ai pas vraiment de place pour aller faire du hors-route dans ta cour, man. Ouais, à Sherbrooke, et à Sherbrooke, tu vois, tu vas avoir de le plein. Ça fait juste loin, Sherbrooke, pour aller essayer un auto puis revenir. Mais non, j'ai pas vraiment de place, puis tu sais, vu que c'est pas à moi, c'est pas, je veux pas nécessairement prendre la chance de le maganer, là, des choses comme ça, mais c'était pas un trail rated non plus. La version que j'ai eue, c'est pas une version qui était faite pour le gros hors-route, là, fait que j'aurais pas été faire du hors-route avec, là. Mais je suis sûr que c'est vraiment quelque chose, pas nécessairement celui que j'avais qui serait capable d'aller faire du gros hors-route, comme je disais, mais c'est capable de prendre de la petite route de campagne pour aller faire de la pêche, quelque chose comme ça, dans un bois. Là, je suis sûr et certain, il n'y a aucun problème qui est capable de le prendre. Là. C'est vraiment... puis un VUS qui a ce look-là, t'as peur d'aller le graffiner à quelque part. T'sais, peut-être, t'sais, tu payes 40 quelques mille pour un VUS. Je veux pas nécessairement le faire graffiner par des branches d'arbres, des choses-là. Puis comme il est pas à moi, si c'était le mien, je disais, bah, une graffing, c'est une graffing. Puis un camion, une petite graffing, ça lui donne du caractère. Ça lui montre comme, tu sais, moi, j'ai fait de la trail. Tandis que... T'sais, quand c'est pas à toi, ben tu fais un peu plus attention. Fait que j'ai pas été faire du hors-route avec, non. Mais on a fait ce qu'on fait naturellement avec les VUS parce que tu sais que la plupart des VUS qui sont vendus ne voient jamais une route de terre. c'est de l'asphalte tout le temps. Tu sais. Fait que j'ai fait un peu comme tout le monde. J'ai fait mon chemin pour aller travailler, aller-retour, puis les commissions la fin de semaine, tout ça. Le coffre est une bonne grandeur. À peu près la même chose qu'on retrouve dans d'autres VUS. Là, c'est pas plus petit. On peut mettre des sacs en masse, vous allez faire votre épicerie avec, vous n'aurez aucun problème, c'est logeable, vous pouvez mettre des sacs d'épicerie en masse, aller faire du camping, aller jouer au golf, vous avez probablement de la place pour mettre un bon stock de camping, là, une tente, un poêle à gaz, des choses comme ça, ça devrait tout rentrer là-dedans, puis vous allez pouvoir partir avec ça pour aller faire du camping. Les places arrière, en masse de place pour deux adultes, un enfant, trois adultes probablement sur des courtes distances, là, mais sinon deux adultes, un enfant, ça se fait très bien, il y a de la place, siège d'auto pour enfants, si jamais vous avez des enfants qui ont besoin de siège d'appoint, tout ça, aucun problème, ça va très bien. Consommation d'essence, moi j'ai réussi à être aux alentours de 9,2 litres au 100 km dans ma semaine, là. C'est quand même bien pour un VUS de ce taille-là, puis moi j'ai beaucoup de trafic, puis c'est pas nécessairement toujours de la grande route, il peut probablement faire mieux que ça, parce que je l'ai parti de très haut, quand je l'ai eu, il était je pense à 13 litres au 100 km, fait que il y a quelqu'un qui avait le pied plus pesant que moi. Moi, j'ai réussi à le descendre à 9,2, je pense. Puis j'aurais probablement pu le descendre plus bas que ça encore si je l'aurais roulé une semaine ou deux de plus. Parce que la moyenne descendait toujours. Puis ça dépend toujours de ton style de conduite. Si vous avez le pied pesant, vous allez faire du 12, du 13. Si vous avez une conduite régulière, puis vous faites attention, vous allez avoir du... Probablement, vous pouvez peut-être atteindre le 8,5 à 9 litres là, si vous faites ça doucement. Donc, vous avez plusieurs options. Le Wrangler est disponible dans une gamme de prix assez large. Là. Ça part de quelque chose comme 24-25 000, aller jusqu'à 42. Si je me rappelle bien, celui que j'avais, il était dans la quarantaine, là, avec toutes les options de toit ouvrant, la navigation et tout ça. Système de navigation qui est fait par Garmin. Comme je l'ai dit dans la vidéo d'essai que je vais mettre en ligne bientôt, c'est pas les plus belles cartes que j'ai vues. Garmin sont capables de faire mieux que ça. Là. Les GPS Garmin normalement sont très jolis. Les cartes sont, je veux dire, c'est utilisable, on voit le nom des routes et tout ça, mais c'est juste la résolution, on dirait, où c'est pas punché. Là. Fait que j'aurais les cartes auraient pu être un peu mieux que ça, mais un GPS fonctionnel, c'est un GPS fonctionnel. Ça te permet de te rendre où tu veux. Pour le reste, on a le réseau satellite, le Bluetooth pour les iPods et tout ça. J'avais mon iPod puis mon cellulaire de connecter tout ça en même temps. J'étais capable de passer un à l'autre. La seule chose que j'ai trouvé un peu moins intéressant avec le système, c'est que si j'éteins l'auto puis je redémarre l'auto, mon iPod ne se reconnectait pas automatiquement. Il fallait que j'aille dire à l'auto, mais je veux reconnecter l'iPod. Puis là, des fois, il prenait tout de suite, des fois, il ne prenait pas parce qu'on dirait qu'il était occupé à aller prendre le téléphone. Puis à un moment donné, là, ah, OK, le iPod est là, il se reconnectait. Mais il repartait exactement où j'avais laissé. Donc, le iPod puis le système se connectait bien en sachant, bon, ben, t'es rendu à 14 minutes du podcast que t'écoutais ou en plein milieu de la chanson que t'écoutais. Puis on peut faire pause, puis avancer, puis reculer avec le système aussi. On peut contrôler l'iPod à distance avec l'écran tactile du Compass. Fait que pour ça, c'était très bien. Fait que c'est facilement un véhicule qui est capable de compétitionner avec les autres VUS du marché. J'aurais pas dit ça dans les années passées. C'était vraiment comme, bon, le Compass, quand ça a sorti au début, c'était un VUS d'entrée de gamme, puis il fallait le prendre pour un VUS d'entrée de gamme. Les gens qui s'achetaient ça, c'était souvent des flottes. Nous, au travail, on a une flotte de Compass puis de Patriot. Les techniciens conduisent ça avec leurs pièces et tout ça. C'est quand même assez grand, pas trop cher en essence, mais bon, là, ça a évolué, puis c'est vraiment devenu quelque chose qui peut compétitionner avec le reste. Fait que si vous magasinez un VUS, ben mettez-le sur votre liste d'achat, allez l'essayer, allez le voir, parce qu'il est vraiment joli, puis vous allez vraiment avoir l'impression de conduire un grand Cherokee quand vous le regardez de l'extérieur un peu de loin. Là, c'est vraiment flagrant. Il est camouflé. Ben, c'est vraiment flagrant comment ça se ressemble. Puis, je veux dire, avec les petits trims chromés qu'il y avait, les jantes que j'avais, c'était des jantes de 18 pouces. C'était vraiment, vraiment des belles jantes. Puis, ça faisait vraiment un look incroyable de l'extérieur. Là. Il était vraiment, vraiment beau. Puis, pas trop cher. Comme je dis, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez prendre 4x4. Celui que j'avais était 4x4. Vous pouvez avoir juste un 2 roues motrices. Plein de choix différents d'options, tout ça. Il y a sûrement un Jeep Compass quelque part dans votre gamme de prix là, si vous cherchez un VUS. Fait que allez voir ça. Vous allez probablement être agréablement surpris de comment ça s'est amélioré avec les années. Là. Il fut un temps où est-ce que justement j'ai magasiné pour un VUS puis on avait regardé pour le Compass Patriot. Et ce que je voyais dans les critiques, c'est que les gens s'attendaient à avoir tel résultat, tu sais, d'avoir avec un véhicule, un VUS moins cher que la grande majorité des compétiteurs, s'attendaient à avoir une voiture X et finalement, ben, la marchandise qu'on livrait, c'était justement ça. Donc, les gens étaient satisfaits de leur achat, sachant l'économie qu'ils avaient réussi à faire en prenant celui-là au lieu de prendre un véhicule plus cher. C'est ça. Ça n'a jamais été un mauvais VUS. Ça remplissait son mandat. C'est ça, c'est de VUS d'entrée de gamme. Fait que les gens qui n'avaient pas d'argent pour nécessairement aller s'acheter un Ford Escape qui était un peu plus cher ou aller chercher un Honda CR-V surtout qui était un petit peu plus cher, ben ils allaient chercher ça. Puis le monde, la plupart des gens que je connais qui en ont un sont satisfaits de ça. C'est juste que c'était pas un VUS haut de gamme, puis les bruits de caisse, des choses-là, il y en avait dans celui que j'ai conduit la semaine passée, les bruits de caisse, pas vraiment, là. C'était vraiment silencieux, confortable. C'est sûr qu'on on a un dos down ou des nids de poule, tu sais, au Québec, des nids de poule, on s'aperçoit que la suspension est un peu plus sèche, mais ça veut pas dire que c'est pas confortable. Là. Sur une route normale, comme sur une autoroute, des choses comme ça, c'est vraiment super confortable. Fait que je vous le dis, mettez-le sur votre liste, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine de faire le détour, puis vous allez peut-être décider d'acheter ça au lieu d'acheter autre chose quand vous allez l'avoir vu puis l'avoir essayé. Puis en noir, là, il est vraiment beau. Le mien que j'avais était rouge, là, mais je n'ai vu un noir là, avec la grille chromée et tout ça. Là. C'est pas mal joli. Moi, je suis un grand fan du Grand Cherokee. Je trouve tellement que c'est un beau camion, un beau VUS qui a donné ce look-là au Compass. Je trouve ça le fun. Ça fait un beau VUS à un prix moins dispendieux puis quelque chose de moins gros qui va consommer moins d'essence aussi. Fait que allez voir cela. C'est un bon petit VUS. Alors, on va y aller avec Jean-Benoît. Jean-Benoît, tu avais un petit sujet pour nous ce soir, une enquête faite par Kijiji. Oui, une enquête, on s'entend que ils ont sorti certains chiffres à leur avantage. On parlera pas de ça, on va surtout parler des Québécois et leurs voitures. Certaines statistiques très intéressantes qu'on a sorties. Les Québécois, quelles sont leurs voitures de rêve? ben, trois marques se distinguent, Lexus, Mercedes et BMW. Donc, on voit que c'est des voitures de haut de gamme, mais pas du extrêmement haut de gamme non plus. Donc, les Québécois sont assez réalistes dans leurs envies de voiture. On a questionné les gens à savoir votre auto, quel âge a-t-elle? 19 % de la population, ça m'a étonné, parle d'une voiture qui a entre 10 et 19 ans dans leur cours. Oui, oui, oui. Entre 5 et 9 ans, c'est 33 %, c'est le pourcentage le plus élevé. Après ça, 18 % entre 1 et 5 ans et moins d'un an, on parle de 10 %. Donc, les Québécois conservent leur voiture soit très, très longtemps ou vont acheter dans l'usager des voitures qui sont très, très âgées. Autre statistique intéressante, on dit que 53% des Québécois ont déjà acheté une voiture neuve parce que l'ancienne était trop usée ou encore en panne. Surtout quand ta voiture a plus de 10 ans, on peut comprendre que c'est pour ça que tu la changes. À un moment donné, tu vas arrêter de mettre de l'argent dessus puis acheter quelque chose de neuf. Ouais, exactement. Prix de l'auto, 2% de la population ont acheté leur voiture entre 1$ et 4000$, donc dans l'usager. Ça oscille entre 6 et 10%, entre 4000 et 15000$. Et après ça, ça grimpe là, le plus haut taux. On parle de 20%, 28%. Une voiture entre 20 000 et 30 000$, ça c'est bien entendu plus dans le neuf. Et dans le 50 000 et plus, donc des voitures qui se retrouvent dans la catégorie des voitures de rêve, BMW, Lincoln, Mercedes, Lexus, tout ça, ben c'est 3 % de la population sont en mesure de s'en procurer une. Moi, j'aimerais vraiment voir celui qui a payé son auto 1$. Qu'est-ce qu'il a acheté? Ouais, d'après moi, c'est un transfert. C'est son père qui a donné une auto. Ils ont dû prendre les statistiques de la SAAQ ou quelque chose comme ça. Parce que moi, ça, je l'ai déjà fait personnellement. Mon grand-père m'a laissé sa voiture. Un Hyundai Excel. J'ai pas roulé longtemps avec, mais c'est ça, il me l'avait vendu 1$, question de pouvoir faire un transfert. Là, c'est parce que tu peux pas te donner un véhicule non, en tant que ça. Faut que tu le vendes. Donc, ça explique cette statistique-là. Top 5 des critères pour les gens pour acheter leur voiture. 69% évaluent que c'est le prix qui est en premier lieu au numéro 1 ou encore la fiabilité qui compte le plus. Après ça, les coûts de maintenance à 48%, 39% pour la tenue de route, 29% pour la marque et 26% pour le design. Et après ça, ben là, on a quelques comparatifs canadiens, québécois. Je ne les ferai pas tous parce qu'on a quand même une liste de données là, assez importante. Je peux juste vous mentionner pour le passage du permis. On dit que les Québécois sont plus tôt que les Canadiens. Donc, on parle de entre 18 et 21 ans pour les permis. Ben, 67% des Québécois vont aller chercher à ce moment-là, soit vont l'avoir plus tôt ou après. Et 71% des Canadiens entre 18 et 21 ans. 20% des Québécois possèdent deux voitures, donc pour le ménage, ou comparativement 34% pour les Canadiens. Et on dit que 38% des Canadiens et des Québécois ont acheté leur première voiture lors de leur premier vrai emploi après leur formation collégiale et dans le fond éducatif. OK, ouais, c'est logique. C'est là, c'est quand tu commences à avoir ton premier travail, normalement que tu vas aller chercher ta première voiture. Des fois, c'est avant si tu as de l'aide des parents, des choses comme ça. Là. Mais souvent, ça va aller après ton... quand tu vas avoir ton premier emploi. Et après ça, petit quiz couleur. Moi, là, quand j'étais jeune, on s'amusait à essayer de faire comme à taguer les voitures jaunes. Tout ce qui était jaune, on les taguait parce qu'on s'entend que c'est pas des couleurs qui sont très, très communes sur les routes. Essayez de deviner, là, les Québécois, quelle est la couleur qu'ils achètent le plus pour leur voiture. Moi, je te dirais, à voir ce qu'il y a sur la route, je te dirais, ça serait argent. T'es pas loin. Beige. Non. Bleu. 19% de la population québécoise ont un véhicule bleu. Après ça, argent et noir, 14%. Et là, ça diminue 13% pour le gris, 10% le rouge, 10% le blanc, 7% le vert. Donc, après ça, les autres couleurs, là, c'est moins de 2% chacun. J'ai été assez étonné. Moi, je me serais attendu à ce que le rouge soit plus populaire, mais peut-être que le fameux mythe du ça attire l'œil des policiers et qu'on se fait plus pincer joue contre cette couleur que je trouve tellement jolie pour une voiture. Ouais, ça dépend des rouges, par exemple. Il y a des rouges qui sont beaux, il y a des rouges qui sont ordinaires. Ça dépend de la marque. C'est sûr que si tu me dis une Ferrari rouge, je vais dire oui. Le rouge Ferrari est probablement un des plus beaux rouges jamais fait. Une Ferrari jaune, tu fais comme... Ben, c'est beau pareil, mais une Ferrari, dans le mental, c'est supposé être rouge. Mais une Ferrari noire, une Ferrari jaune, c'est super beau. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de Québécois qui possèdent des Ferrari, donc le 10%, ben ils sont probablement tous là-dedans. Tout dans le rouge. Non, mon beau-père a une Mazda 3 rouge. Ah! Moi, j'ai une Fiesta rouge, donc 10%, go, on est capable. Ouais, c'est ça, Fiesta, que tu vas nous parler de ton... Éventuellement, oui, on... De ton expérience d'achat à un moment donné. Là. Yes. Bon, ben c'est parfait, c'est tout pour ça. Donc, on va finir avec quelques petites nouvelles. J'ai trouvé ça intéressant, il y a Kia... Kia, il y a des rumeurs que Kia irait avec une voiture électrique, donc... Kia se lancerait dans le marché des voitures électriques pour l'année prochaine. Ça reste rumeur. J'ai posé la question à mon contact chez Kia et puis il m'a dit je peux pas te répondre. Oh. Mais normalement, quand on se fait dire qu'on peut pas répondre, c'est pas dire non. C'est ça. Mais il y a trop de rumeurs qui viennent d'un peu partout, qui sont persistantes, qui parlent du Kia Soul EV, sont du Kia Soul électrique pour l'an prochain. C'est une voiture qui devrait avoir, puis là c'est toutes des rumeurs, théories et tout, devrait avoir 200 km d'autonomie, donc c'est quand même bien. Ferait le 0-100 en 12 secondes, bon, vitesse maximale de 140 km/h. Coûterait environ, le prix bon estimé serait 35 000 $ US. J'ai hâte de voir si vraiment le 35 000 va se transposer ici, là, parce que... Je suis pas certain, d'après moi ça va être peut-être plus bas que ça. Si Kia puis ou Kia et Hyundai se lancent dans la voiture électrique, d'après moi ça va faire baisser les prix un peu. On va espérer. Et puis pour ceux qui se cherchent une Fiat 500L, donc la Fiat 500 qui est un peu plus grosse, un peu plus ressemble plus à une Mini. Les prix ont été annoncés. La Fiat 500L commencerait à 19 100 $ US, donc on s'imagine aux alentours de 20 000, 20 500, peut-être 21 000 ici pour la Fiat 500L qui devrait sortir, il me semble que c'est vers la fin de l'année, mais j'ai pas la date, mais ça devrait sortir là, d'ici la fin de l'année, cette Fiat 500-là. Donc plus gros, plus familial qu'une petite Fiat 500. Moi, la Fiat 500, je la trouve vraiment jolie, là. Mais la 500L, je l'avais vu au salon de l'auto. C'est correct, mais il me semble que c'est moins charmant que la petite Fiat 500 régulière, là, mais peut-être à force de l'avoir. Je ne l'ai pas vu longtemps non plus. Peut-être qu'à force d'en voir ses routes, je vais peut-être les trouver encore plus charmantes. Donc, ce soir, on a encore un show assez plein de sujets. Je vais commencer par mon essai routier de cette semaine. La semaine passée, je vous parlais du C-Max, pas du C-Max hybride, je vous parlais du Jeep Compass. J'en essaye trop depuis trois semaines. C'est pas le même genre de char en plus, hein? Non, c'est pas pareil. Cette semaine, c'est le Ford C-Max hybride branchable, donc le Energy. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais du Ford C-Max hybride. Simplement, là, c'est le Ford C-Max qui appelle énergie. La différence, c'est qu'on peut brancher cette version-là pour avoir une autonomie plus grande avec le moteur électrique. Donc, c'est simple. Physiquement, c'est exactement la même voiture. On a les mêmes choses à l'intérieur. On a le même système intelligent qui va nous dire comment conduire pour avoir une meilleure autonomie en électrique, consommer mieux d'essence. On a les feuilles d'efficacité. Si vous avez entendu parler du Ford C-Max quand je vous en ai parlé avant, la version hybride, vous avez du côté droit les feuilles d'efficacité qui vous donnent simplement plus vous conduisez écologiquement, plus qu'il y a des feuilles qui poussent sur votre arbre, et ça fait vraiment un arbre plein si vous conduisez très bien. Si vous êtes un peu plus agressif, conduisez un peu plus à la voiture sport, ben les feuilles vont tout simplement se détacher de l'arbre, puis vous allez en avoir moins. Ça, c'est l'épisode qu'on niaise en disant hey, à quand le premier DLC pour un char? Où est-ce que tu peux télécharger des nouvelles images pour compléter ta consommation d'essence? Puis c'était cet épisode-là. Là. C'est ça, on parlait de différents arbres qu'on pourrait télécharger. Des choses ah, du chêne! Wow! Ouais, c'est ça. Où on n'avait pas dit un sapin aussi. Ouais. Sapin qui... Ouais. Qui est toujours un sapin, ça perd pas ses feuilles, rien, là, mais c'est ça. Mais non, c'est un système qui est quand même, qui fonctionne super bien. Quand on en parle comme ça, vous allez dire, moi, un arbre, c'est quoi? Mais on vient vraiment comme on accroche, puis ça vient comme un jeu, puis on veut juste que voir des feuilles pousser au lieu de voir des feuilles qui se détachent. On a aussi le système à gauche qui est vraiment tout ce qui est consommation d'essence. Si on utilise le moteur à essence ou le moteur électrique, on a différents modes pour voir. Ce qui est le fun avec cette auto-là, c'est que à chaque fois que vous allez terminer un trajet, ça va vous donner exactement entre le moment où vous avez démarré l'auto et le moment où vous arrêtez l'auto, combien de kilomètres vous avez fait total. Donc oui, il y a les odomètres de voyage et tout ça, mais il y a un odomètre à chaque fois, entre chaque fois que vous allez démarrer et arrêter la voiture. Donc vous pouvez avoir, mettons, vous faites un trajet, comme moi cette semaine, j'ai fait un trajet de 54 kilomètres, qui est à peu près mon trajet journalier que je fais vraiment tous les jours pour aller au travail. Ben, j'avais fait 54 kilomètres, j'avais fait, c'est 39 kilomètres en électrique, puis le reste qui était en mode à essence. Fait que ça me donnait vraiment détaillé combien j'avais fait, combien de kilométrage, ma régénération, régénérer l'électricité quand je freinais, quel pourcentage, est-ce que je freinais super bien, puis je récupérais toute mon énergie, ou de temps en temps, c'est pas très bien, ça nous donne un score. Fait que, chaque fois que vous allez arrêter à une lumière rouge ou à un stop, quand vous allez freiner doucement pour vous rendre jusqu'au stop, ça va vous donner un score de régénération d'énergie, votre score de freinage. Ça peut aller à 100% si vous faites ça super bien, ça peut aller à 90, 92. Si vous freinez dernière seconde, 60, quelque chose comme ça, puis à la fin, ça vous donne un score total quand vous avez fini votre trajet. Fait que c'est vraiment agréable. C'est une voiture qui est confortable à conduire, c'est sûr. Le modèle d'essai que j'avais avait les sièges en cuir et tout ça, donc c'est vraiment le summum. J'avais la navigation et tout ça. Le système MyFord Touch avec le Sync, qui est vraiment le système de Ford de divertissement où on peut avoir la navigation, les iPods, la radio satellite et tout ça. Ça fonctionne très bien. C'est exactement le même que dans le C-Max hybride régulier. Pour la recharge de cette voiture-là, ce qui est bien, c'est que ça prend pas une éternité. Moi, j'ai pas de borne chez nous pour le 240 volts, fait que je charge sur le 120 volts régulier. Je la branche et puis ça prenait environ 5 heures, puis la batterie était pleine. Fait que j'étais capable d'arriver chez nous, la brancher, puis elle était facilement remplie le lendemain matin quand je partais. Puis même au travail, j'ai réussi à la brancher à tous les jours, puis à chaque fois que je repartais, la batterie était pleine. Donc dans le C-Max Energy, il y a comme deux batteries. Il y a votre batterie qui vous permet de rouler 100% électrique pendant environ 30 km. L'autonomie, quand la batterie est pleine, c'est environ 30 km que le système va vous donner. Ça va varier selon votre style de conduite. Si vous avez toujours le pied au plancher, ça va descendre plus vite. Si vous êtes sur l'autoroute, ça ralentit jamais. Ça va descendre un peu plus vite, mais je vous dirais que le système est quand même assez précis. J'ai pas vraiment fait là, en bas de ça environ 30 km en total électrique à chaque fois que je l'ai pris. Donc c'est vraiment très bien fait. Puis le système vous donne vraiment un bon aperçu de ce que vous allez pouvoir faire en mode tout électrique. C'est vraiment agréable de conduire en mode tout électrique sur l'autoroute à 95 ou 100 km/h, puis entendre comme rien. Juste les bruits de pneus, puis même encore là, c'est une auto qui est tellement bien isolée, silencieuse, qu'on n'entend pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Là, on n'entend pas trop les bruits de vent ou les bruits de pneus sur la route. Fait que c'est vraiment drôle au début parce que t'éteins la radio puis il y a comme presque rien. Là. C'est agréable, c'est confortable. Fait que vous partez tout simplement en mode totalement électrique. Ensuite, quand la grosse batterie, qui est la batterie qui vous permet de conduire en seulement électrique et vide, tombe à 0 km, elle vient totalement vide, là, votre batterie du système hybride embarque, puis là, vous tombez vraiment en mode hybride. Et puis là, votre batterie, ce qui est bien avec le C-Max Energy, c'est que la batterie du mode hybride aussi est complètement pleine. Tandis qu'avec un C-Max hybride seulement, la seule manière que la voiture recharge sa batterie, c'est lors du freinage. Elle va régénérer du courant qu'elle va retourner dans la batterie que vous allez pouvoir réutiliser plus tard. Tandis que là, on recharge vraiment en lui remettant de l'électricité dedans. Fait que les deux batteries sont pleines quand on part avec une voiture pleine, complètement chargée le matin ou bon après 5 heures de charge si vous êtes au travail ou après votre journée de travail. Vous allez repartir. Donc, vous allez avoir votre 27, 28 km, 30 km en total électrique. Après ça, vous allez retomber en mode hybride. Vous allez peut-être avoir un autre 4, 5 km, 3, 4, 5 km en mode électrique jusqu'à temps que la batterie du mode hybride descende à peu près à moitié. Puis là, vous allez retomber essence puis batterie dépendant de la charge et ces choses comme ça. Fait que c'est vraiment agréable à conduire. Moi, j'ai parti le lundi que j'ai eu l'auto parce que c'est toujours du lundi au lundi. J'ai parti, le C-Max énergie était à une moyenne d'environ 5.6 litres au 100 km à rouler toute la semaine avec. Quand je l'ai rapporté, j'avais une moyenne de 3.4 litres au 100 km. Fait que j'avais réussi à descendre ça à 3.4 litres au 100 km. Moi qui est habitué d'aller mettre de l'essence dans mon auto le jeudi parce que je suis pas sûr que je reviendrai à la maison le vendredi sans arrêter mettre de l'essence, j'ai mis de l'essence le lundi pour aller retourner l'auto. Mais j'étais encore même plus qu'à moitié du réservoir d'essence de plein. Là. Puis j'ai fait la semaine au complet. Fait que c'est vraiment agréable. Et on parle d'une autonomie de combien avec l'essence là, au total? Mettons, tu claques tout là, d'un bout à l'autre. Là. Ah, j'ai pas l'autonomie totale avec l'essence, tout ça, mais je te dirais. Tu sais, moi, je fais 55 km par jour. Calcule ça sur 16 jours. J'ai même pas passé une demi réservoir d'essence. Puis c'est vraiment, c'est sûr, si tu pars avec la batterie pleine, puis après ça, tu pars sur l'essence, puis tu t'en vas, tu peux peut-être faire, j'imagine, un 800-900 km. 700-800-900 km. Mais je l'ai pas fait, je peux pas te le dire. Puis j'ai pas été voir les chiffres exacts de Ford pour ça. Mais quelqu'un qui travaillerait à, je sais pas, au moins 10-15 km du travail, pourrait faire probablement son aller-retour sans jamais mettre d'essence dedans. Ma conjointe l'a pris pour aller travailler un matin, puis elle a fait l'aller-retour, puis elle n'a jamais mis d'essence dans l'auto. Elle n'a jamais utilisé le moteur à essence. Je veux dire, elle est partie avec l'électricité, elle est allée au travail, elle est partie de là-bas, elle est revenue, puis elle n'a pas chargé pendant qu'elle était au travail. Elle ne travaille pas super loin, elle est à peu près à 15 km d'ici. Mais elle a réussi à faire son 30 km et plus. Et quand elle est revenue, il reste encore 7 km parce que quand on freine, on recharge les batteries, on peut réutiliser cette énergie-là. Fait que c'est vraiment bien. Si vous faites de la ville, c'est vraiment parfait. Puis si votre distance pour aller au travail puis revenir n'est pas nécessairement très grande, vous pouvez faire presque l'aller-retour sur seulement la batterie. Si vous avez la chance de la charger aussi, vous pouvez faire des distances plus grandes. Moi, j'ai vraiment adoré parce que ça m'a presque rien coûté d'essence de la semaine. J'ai trouvé que c'était vraiment une voiture qui est confortable, qui est quand même bien. Seul bémol, le coffre dans la version énergie est pas très grand parce qu'il y a beaucoup, les batteries prennent beaucoup de place. Fait qu'on a entre la fin de la batterie, donc entre le plancher puis le cache-bagage, on a, si on a, je sais pas moi, 6 pouces, c'est beau là. Fait qu'on peut pas vraiment mettre beaucoup de choses dans le coffre. C'est pas quelque chose à aller prendre pour aller faire du camping la fin de semaine là. Ça va vous prendre plus grand que ça pour être capable de partir avec vos choses de camping puis aller sur un grand voyage avec des valises. C'est peut-être pas l'idéal parce que le coffre est pas grand, mais comme voiture pour aller travailler à tous les jours puis faire des allers-retours comme ça, des commissions aux alentours, des choses comme ça, c'est vraiment merveilleux parce que c'est dans le trafic puis en ville que les voitures hybrides sont vraiment à leur meilleur parce qu'on régénère de l'énergie puis on peut le réutiliser. Fait que c'est une voiture que j'ai bien aimée. Si vous êtes sur le marché pour une voiture électrique, bon, électrique, vous êtes pris que si votre batterie est vide, c'est fini. Il faut la recharger pour faire plus de kilométrage. Au moins, avec une voiture comme ça, le C-Max Energy ou la Volt, ben vous pouvez rouler sur l'essence si jamais vous allez plus loin. Vous n'êtes pas pris à dire, bon, ben j'ai 120 km d'autonomie, puis si je sors de ça, ça va jouer à grosse goutte parce que je suis pas sûr que je vais pouvoir revenir chez nous pour charger l'auto ou faire je me trouve une borne du circuit électrique à quelque part pour le recharger, puis là faire j'attendre une couple d'heures pour le recharger puis pour être capable de revenir. C'est pas le cas avec ça. Vous avez un moteur à essence. Tant qu'il y a de l'essence dans le réservoir à essence, vous pouvez rouler. Fait que c'est vraiment quelque chose qui enlève le stress de manquer de courant dans la batterie puis d'être pris à quelque part où on sait pas trop où puis on peut pas recharger l'auto. C'est facile, prendre un bidon d'essence, aller chercher de l'essence à la station-service. J'ai pas encore vu aller chercher une génératrice ou un bidon d'électricité pour être capable de charger la batterie. Ça existe pas encore. Fait que c'est un peu le problème d'une voiture totalement électrique, tandis que ça, ben c'est le meilleur des deux mondes. on peut sauver beaucoup d'essence avec le mode électrique, mais si on dépasse la limite du moteur électrique, ben on peut continuer tant qu'on a de l'essence dans l'auto. Donc c'est une auto qui est quand même pas donnée. Elle commence, si je me rappelle bien, elle commence à 38 000. Le modèle que j'avais, moi pour essai, est 40. Donc c'est quand même une voiture qui n'est pas donnée, mais vous allez avoir des rabais aux alentours entre 7 et 8 000 $ du gouvernement jusqu'au mois de décembre. Après ça, ben, les rabais vont descendre vont être moins hauts l'année prochaine. Je pense que le 8 000 passe à 5 000 pour les rabais pour des voitures électriques et tout ça. Donc ça, vu que c'est un électrique branchable, le rabais est quand même assez bon. Donc vous enlevez ça du prix de la voiture. Puis après ça, ben, vous avez les taxes et tout ça. Mais c'est vous qui allez savoir si c'est bon pour ce que vous faites. Parce que si vous êtes dans un certaine distance du travail ou même pour peu importe ce que vous faites, si vous sortez jamais d'environ 30-40 km de chez vous, je veux dire, vous allez mettre de l'essence dans cette auto-là une fois ou trois mois, là, c'est vraiment ridicule, là, tellement que c'est économe et c'est agréable. Donc, une belle voiture, une bonne voiture, confortable, l'intérieur, c'est spacieux, même si la valise est tout petite, l'intérieur de la voiture, c'est vraiment incroyablement spacieux. Le toit est tellement haut. Moi, assis dans l'auto, j'ai quasiment 6 pouces, au moins 6 pouces avant que ma tête touche au toit, tellement il y a de l'espace dans cette voiture-là. Ça a l'air énorme quand on est assis à l'intérieur. Pourtant, quand on la regarde à l'extérieur, c'est bâti sur la structure de la Ford Focus. Fait que c'est pas plus gros qu'une Ford Focus, mais c'est de la manière qu'ils ont fait le design. La ligne de toit est tellement haute qu'on est assis à l'intérieur et on a l'impression que c'est énorme comme voiture. Pourtant, ça ne l'est pas, là. Hey, Luc, avant que tu poursuives, je te parlais d'économie de en fait d'espace qu'on était capable de couvrir là, avec le véhicule, l'autonomie total. De A à Z, là, total. Et je viens de tomber sur une publicité qui est sortie sur le dailytech.com. On parle de 620 000 mille comme des miles là, en termes de millage qu'on est capable de faire avec le véhicule. Et ce qu'on a fait comme publicité, c'est que on a pris une carte américaine, on a pris certains endroits bien connus des États-Unis, des villes bien connues, et on a fait du point A au point B, où est-ce que ça nous permet d'aller. Exemple, Washington DC jusqu'à Indianapolis, New York City jusqu'à Détroit, Chicago jusqu'à Memphis, Denver jusqu'à Kansas City, Las Vegas jusqu'à Tucson. Donc on a vraiment pris visuellement la carte des États-Unis pour montrer qu'est-ce que tu es capable de faire comme trajet. Ça va être très visuel. C'est une belle approche qu'on a utilisée chez Ford pour publiciser la totalité de ce qu'on est capable de faire comme parcours avec le C-Max Energy. Là. C'est très cool, belle façon de procéder. Si je convertis, 620 000, c'est 997,79 km. Wow. C'est très bon. Très bon. Mais là... C'est maximisé. Là. C'est maximisé, ouais. C'est dans des conditions idéales. Là. Mais juste si c'est juste 900 km ou 850 km d'autonomie totale, c'est quand même excellent. Là. Fait que c'est vraiment, comme je dis, allez la voir si vous êtes sur le marché pour une voiture neuve. Puis, l'hybride vous intéresse ou l'électrique vous intéresse, mais vous êtes pas prêt à faire le pas pour une totale électrique. Puis, les inconvénients qui viennent avec, parce que c'est vraiment de la planification. À moins que vous ayez vous chercher une Tesla Model S avec 400 km d'autonomie, là c'est rare qu'on fait 400 km d'un coup. Si oui, on est capable d'arrêter une petite heure ou deux heures pour charger. Là. Mais sinon, c'est vraiment toujours de planifier. Bon, là, je m'en vais à telle place, peux-tu me rendre? T'sais, comme moi, juste, à un moment donné, je me magasinais une voiture totalement électrique. Après ça, je me suis dit, ben, je peux même pas me rendre chez mon père puis revenir avec une voiture électrique. Faut que tu couches chez eux, pis ça te tente pas, hein. Faut que je couche chez eux, que je charge l'auto, ou que je charge l'auto là-bas, mais sur le 120 volts régulier, ça va prendre 20, ça, des fois, ça prend 20 heures, charger un auto totalement électrique. Je resterai pas chez mon père 20 heures pour charger l'auto. Fait que, faudrait que j'arrête à une borne circuit électrique, attendre une couple d'heures, 4 heures, la charger complète, puis après ça, m'en revenir, ou la charger à moitié, m'en revenir. Il y a des chargeurs rapides qui s'en viennent, qui vont donner 80%. De la charge de certaines voitures. Il faudrait que les voitures soient compatibles, mais 80% en environ une demi-heure. Mais c'est pas sorti encore. Là. Mais ça s'en vient. Les bornes sont juste pas là. Les autos, il y a certaines autos qui le font, mais les bornes sont pas là encore. Fait que jusqu'à temps que notre réseau de bornes soit assez haut, assez garni, ben il va falloir qu'on se contente de électrique, oui, avec les restrictions, puis bien gérer ces restrictions-là, ou sinon une hybride branchable avec une autonomie intéressante et tout ça. Donc la Volt, la C-Max hybride, ou la C-Max Energy. Moi, j'étais vraiment pro, mais je suis encore pro Chevrolet Volt. Là. C'est une des voitures les plus intéressantes que j'ai conduites à date. Puis je dénigre pas les autres, mais vraiment juste la technologie, ce que ça a fait pour moi quand je l'ai conduit. Ça veut dire pas mettre d'essence du tout. Zéro essence utilisée pour un trajet aller-retour au travail. Ça a vraiment comme marqué mon portefeuille, surtout. <t'sais. rire> Fait que c'est vraiment intéressant. La C-Max Energy qui vient proche de ça, moins d'autonomie, mais aussi un peu moins cher. Fait que c'est vraiment un choix à faire, ce que vous voulez, puis ce que vous pouvez vous permettre aussi. C'est des voitures qui sont dispendieuses, mais dépendant de ce que vous faites comme utilisation de la voiture, si vous ne mettez jamais d'essence dedans, le prix de la voiture va se récupérer quand même assez vite. C'est sûr, si vous faites des trajets de 170-180 km par jour, à un moment donné, oui, vous allez sauver sur les 30 premiers kilomètres quand même, mais après ça, vous allez rouler en mode hybride ou électrique, puis tout ça. Ça dépend toujours de vos besoins, c'est ça une voiture, c'est selon ce que vous avez besoin. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le C-Max Energy. Si vous êtes sur le marché pour ça, ben allez le voir, puis ça vaut la peine, ça vaut le détour. Bon, messieurs, Jean-François, on va aller avec toi. Tu vas nous parler de quelque chose qui n'est pas du tout écologique ou hybride ou électrique, la course automobile. J'ai un sujet qui est un peu écologique, mais pour débuter, je vais commencer par vous parler des pneus et de la F1. Dans les autres chroniques précédentes, j'ai parlé que les pneus Pirelli ne faisaient pas l'unanimité dans la F1, que plusieurs critiquaient ce pneu en disant que les courses ne sont plus basées sur la vitesse, mais vraiment sur la gestion des pneus. Il y a des rumeurs qui veulent que Ann Cook soit le prochain fournisseur des pneus de la F1 dès 2014. La compagnie nie totalement cette rumeur. C'est sûr. Mais elle a quand même des bonnes raisons pour refuter cette rumeur-là. C'est que en 2014, parce que le contrat de Pirelli termine en 2014, il va y avoir des nouveaux règlements concernant tout ce qui est les moteurs, tout ce qui est l'aérodynamique, tout ce qui est les châssis. Puis en même temps, les règlements, ils ne savent même pas sur la grandeur des pneus pour les prochaines années. Ann Cook prévoit que dès 2014, le diamètre des roues va grandir parce que présentement, ils sont à 13 pouces, les roues de Formule 1. Puis, ils veulent aller jusqu'à 15 ou même 17 pouces. Okay. 17 pouces, c'est le diamètre des pneus au NASCAR. Ça, c'est leur diamètre des autres. OK, ouais. C'est pas nécessairement... Ben, pour une voiture tous les jours, le plus confortable, c'est du 15 ou du 16, qu'ils disent. Ouais. Mais il y en a qui pensent que ça appelle jusqu'à 18 pouces. Okay. Si tu pousses une Formule 1, je sais pas, ça fait un peu. Ça fait une grosse roue pas mal. Ben, ça va faire moins de tours de roue par tour de piste. Oui, il y a ça aussi. C'est ce qui va peut-être amener un nouveau engouement pour la F1 parce que quand les pilotes disent ben la F1, présentement, ben on fait juste la gestion de pneus, on peut pas aller à 100% dans une courbe parce qu'on se fait engueuler par nos coupants. En anglais, on appelle ça des crew chiefs. Ouais, les chefs d'équipe. Les ingénieurs, parce qu'ils regardent les pneus trop rapidement. Mais ça va peut-être amener un autre engouement là, à la F1. Mais ça, il n'y a personne qui le sait encore. Peut-être Ann Cook va peut-être changer d'avis puis décider d'embarquer dans le jeu. Mais pour eux, ils disent que pour construire un pneu de F1, ça prend au moins 3 à 4 ans pour le mettre à 100% comme il faut aux règles à F1. Alors, je ne sais pas si... Qu'est-ce qui va arriver dans ce domaine-là? Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va embarquer. Peut-être que Goodyear va décider de réembarquer dans le jeu ou peut-être un nouveau constructeur comme Firestone peut-être décider d'embarquer dans le jeu vu qu'ils sont pas mal impliqués dans la série IndyCar Series. C'est sûr que c'est pas le même type de véhicule non plus, mais pareil, ils ont quand même l'expérience aussi là, dans les monoplaces aussi. Là. Ouais, ça serait pas de faire du pneu de course. Ann Cook, c'est juste bizarre parce que c'est... Ça serait la première fois qu'ils seraient vraiment... je pense pas qu'ils sont dans des séries de courses, oui, en tout cas. Oui, ouais? Dans la DTM en Allemagne, où pilote le Québécois Bruno Spengler. OK. Oui, ça, c'est eux autres. Mais c'est comme des gros véhicules. C'est pas des monoplaces, c'est comme des NASCAR, mais encore plus gros, plus large. Des Mercedes, des Audi, c'est quand même assez énorme. C'est pas la même chose qu'une Formule 1. Non, c'est ça. Bruno Spengler qui conduit, lui, c'est une BM, je pense. Oui, il est rendu avec BMW, oui. Mais c'est ça, mais c'est des voitures de route modifiées pour la course. Fait que c'est des pneus normales, mais de performance, des pneus de course. Mais là, aller dans des pneus de monoplace pour des Formule 1, des choses-là, c'est un monde un peu différent. Là. Ouais. Mais c'est sûr et certain que s'ils se lancent là-dedans l'année prochaine, ça n'a pas été décidé cette année. Là. Eux autres ont probablement commencé à développer ça plus longtemps que ça. Ouais, parce que même Firestone, j'avais vu un reportage sur les pneus pour la série IndyCar Series, puis je pense que ça les a pris 15 ans avant de faire un pneu qui soit parfait pour eux autres. Là. Okay. Même s'il était encore dans la série, les pilotes critiquaient tout le temps ce choix des pneus. Ils disaient, ils sont pas bons, ils sont pas assez bons. Surtout c'est des ovales comme ça, des pistes ovales qu'ils font, ça dégrade assez facilement. Mais là, maintenant, tranquillement, Firestone maîtrise pas mal la science de la course automobile pour la série IndyCar Series. Fait qu'ils devraient être capables de transposer ça dans Formule 1, c'est quelque chose. On sait pas, peut-être, je sais pas. Ça dépend des moyens de Firestone, parce que c'est quand même beaucoup d'argent d'investissement pour aller dans une grosse série comme la F1. Puis aussi M. Ecclestone qui décide de tout aussi. Alors ça peut changer aussi en même temps. Ben de juste avoir des pneus qui peuvent tourner à gauche et à droite, c'est une grosse innovation. C'est ça, au lieu de faire des cercles. Non, mais IndyCar Series, ils font presque. Il y a de la ville aussi, oui. Presque plus d'oval. Ça a changé beaucoup depuis la fusion avec CART et IRL. Il n'y a plus beaucoup de pistes d'oval. Il y en a encore, mais il y en a bien moins qu'avant. Là. Ouais, hâte de voir ça. Ça serait juste drôle aussi que tout le monde dise à Ecclestone, gars, on t'aime pas, t'auras pas de pneus l'année prochaine. Mais Ecclestone, il est sur le bord de s'en aller. Là, il commence à vieillir aussi. Fait que peut-être que. Ça va peut-être changer dans les prochaines années s'ils décident de s'en aller, mais on ne sait pas encore. Ah, j'ai hâte de voir ce qui va prendre sa place. Écoute, moi, j'avais des pneus d'hiver, là, des Snow Lions, mon accent que j'ai vendu. Ils vont peut-être essayer, eux autres. Si les gros, ils veulent plus. Ah, c'est ça. Des petits constructeurs de pneus, peut-être des chinois, quelque chose comme ça. Tu sais, pêle-mêle, chacun, tu sais, les quatre pneus différents. En veux-tu la parité? C'est écœurant. Et ouais. Pour le prochain sujet, ça découle du Grand Prix IndyCar Series de Détroit. C'est qu'il y a un chroniqueur qui est allé voir les pilotes, qui est allé voir les constructeurs qui sont présents dans IndyCar Series, c'est-à-dire Chevrolet et Honda. Ils lui ont demandé, est-ce que vous voulez que Ford embarque dans la série? Puis j'étais surpris de la réponse, c'est que les deux voudraient très bien que Ford décide de rembarquer la série IndyCar Series. Parce que pour eux, plus qu'il y a de compétiteurs, plus que la série va être meilleure. Plus qu'on va se dépasser, plus que les gens vont aimer ça. Sauf que Ford, présentement, ne se concentre pas vraiment plus vers l'IndyCar Series, il se concentre plus vers la série. C'est pas bien long, je sais trouver le nom de la série. C'est le Grand-Am Rolex Series. C'était plus des courses d'endurance. Parce qu'eux sont en train de faire un moteur V8. Mm-hmm. Puis, tranquillement, ils veulent le réduire tranquillement. Fait que c'est comme un peu des rumeurs pour vouloir aller vers l'IndyCar Series parce que les moteurs d'IndyCar sont vraiment petits. Là. Même s'ils sont puissants, c'est quand même plus petit. Okay. Mais ce que Ford répond, c'est que pour eux, ils se concentrent plus sur le NASCAR, sur le NHRA, les courses de drag, les courses de... accélération. C'est ça. Ensuite de ça, vraiment avec cette série-là aussi, la Grand-Am Rolex Sport. Fait que pour l'instant, ils ne sont pas encore intéressés, mais ça peut aller vers ça un jour. Puis Honda serait bien intéressé aussi que Toyota décide de retourner aussi dans la série IndyCar Series. Ouais, les grands constructeurs japonais, deux grands constructeurs japonais, deux grands constructeurs américains, ça pourrait être pas pire. Parce que Chevrolet avait quitté au un bout là, cette série-là, puis est revenu, ça fait une couple d'années, puis ils sont vraiment, ils sont aussi dominants qu'avant. C'est les Chevrolet. Fait que c'est ça va être à voir dans les prochaines années parce que c'est pas. Ça se peut pas faire. Pour pas faire ça du jour au lendemain, construire une voiture, un moteur pour une série en un an, ça se peut pas. Là. Non, ça prend du temps. C'est ça. Puis l'autre sujet, ben, c'est je vais finir avec une mauvaise nouvelle. Je vais essayer de faire ça vite pour donner du temps à Jean-Benoît. On se reprendra une autre fois, je pense, pour mon sujet. Parfait. Parfait. Je vais parler du 24 heures de Le Mans. Dans une chronique précédente, j'avais parlé que Le dernier garage, le garage 56, était réservé à des voitures soit hybrides, soit à des technologies différentes pour les moteurs. J'avais parlé qu'il y avait une équipe qui s'appelait la Green GT H2 qui était faite avec un moteur avec hybride avec l'hydrogène. Finalement, cette voiture-là ne sera pas prête pour l'événement parce qu'ils n'ont pas été capables de développer la voiture assez rapidement pour pouvoir l'amener sur la piste, pour pouvoir la faire performer. C'est sûr que c'est un peu triste, mais en même temps, c'est peut-être une meilleure bonne nouvelle parce qu'ils vont pouvoir développer la voiture, puis pouvoir l'inscrire dans les prochaines années, puis vraiment la voir, montrer la performance de cette voiture-là. Parce que déjà, concevoir une voiture avec de l'hydrogène, c'est quand même un exploit parce que même dans les voitures conventionnelles, ça se fait même pas encore. Ça s'en vient tranquillement, ça, là, mais oui, c'est pas, c'est, ça court pas les rues. Là. C'est ça. Mais ça quand, prend du temps aussi avant qu'on en c'est voit. C'est ça. Fait que pour que ça aille dans les voitures de course, il faut quand même que... même une voiture de course normale, c'est quand même très long à concevoir. Alors, c'est sûr que pour une voiture en hydrogène, c'est encore plus long. Mais c'est sûr qu'on va l'avoir un jour sur les circuits, de n'importe quelle série, le soit Le Mans ou la Rolex Grand-Am Series. OK. Bon, regarde, qui prépare l'auto, puis c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine. Exactement. Ben, l'année prochaine, non. L'année prochaine, c'est réservé à Nissan, qui a une voiture aussi propulsée avec un moteur électrique. Ça, c'est déjà réservé pour l'année prochaine. Bon, ben, ils repasseront le tour dans l'année d'après, d'abord. Exactement. Meilleure chance la prochaine fois, t'as passé ton tour. Exact. Bon, ben, merci, messieurs. On va terminer ça là-dessus. Jean-Benoît, on reviendra avec ton sujet sur le show de la semaine prochaine. On va regarder ça bien au chaud. Puis, on va en reparler plus tard. Donc, messieurs. C'est pas grave, c'est correct. Ah ouais, ça fait partie de la game. Donc, messieurs, si on veut vous rejoindre, comment fait-on, Jean-François? T'sais? Sur Twitter, à JFLIEU. J'ai aussi un blog sur le commerce électronique et l'agroalimentaire à jeffboileu.ca. Et toi, Jean-Benoît? Ben, sur Twitter, @gangg_b. Je m'occupe aussi du compte officiel pour la réalité augmentée, un petit podcast là, et émission de radio diffusée sur les ondes de Passion FM, @realitéaug. Et ben, ce sont les deux façons les plus simples de me rejoindre sur le web. Et parfait. Si vous voulez me rejoindre, moi, c'est sur Twitter @scalazormo. Il y a aussi le compte Twitter du podcast auto que je mentionne jamais, qui est @podcastauto. Puis vous pouvez aussi nous écrire par courriel à lepodcastauto@gmail.com ou aller sur le www.podcastauto.ca. Donc là-dessus, merci beaucoup, messieurs. Ça fait plaisir. Ben oui, c'était très agréable, même si... Je suis quasiment pas parlé, là. Ah, tu prends un break, tu parles plus le matin. Ben ouais. C'est ça. Et puis, ben, nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission du Podcast Auto. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Salut! Bye.